sama borom mujibu yow mi nga xamne yow yaay ki nangu ñaan yalla nañu yalla nangul ñaan yi yalla nañu yalla may ñu jëfé li yalla ñi ngi sant yalla ci tambali giñ ko tambali ñi ngi sant yalla ci yeggale giñ ko yeggale ñi ngi gëreem ñepp ñi nga xamantene tew nañ fi rawati nañ nga xamantene ñom ñoñu wo ngir ñu mëna waxtane li ñi ngi leen di gëreem infiniment wallahi alazim dafa melni ben fardo la bo xamantene dafa tegg woon suñu kaw nga xamantene luñu xamone la suñu borom subhanahu wa ta'ala defna ñu teggi ko tege ko ñeneen manam tege nañ ko suñu fardo ñun tege nañ ko ñeneen wa ñi ngi sante yalla bu baax alhamdullilah bimu ñu deppel ak li kon nak lepp lo xamantene lu ci joomti la go xamne amna ci wax ci du ci ñi nga xamne ñoom lañ ko jëlé wallahi ci ñun la ñun ñoo doyari suñu xam xam mo neew motax ci ñun la problème bobu am mais ñooñu ñi ngi ñaan yalla mu fayal ñu leen gën di fay voilà kon nak ñi ngi leen di gëreum tamit encore une fois di gëreum tamit parce que gis nañ ni ñepp dañoo bayyi xel bu baax wax ji yalla nañu yalla may ni ñu ko bayé won xel mu may ñu jëfé nu ko raw ci barké yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala rasulih جزاكم الله عنا خيرا فكا باغا داني لي موم دانكا واخ جي دا فا جيخ لور رك لاني مانا واخ واخ جي دا فا جيخ تا امونو لون سي تك ايك اي دونو داف لودول سانت لا گرم لا سي vraiment waxtan bi nga xamni waxtan nga ko fi ñepp xam nañu tay lan moy zajrul khulub tubab diko wax obsurgation des cœurs donc ta yakar na ni dafa tombé sax ak wéru koor gi di waja jeex yakar na ni buñu joggé ci wéru koor gi je pense que ni jikko yi dinañ gëna dafaru inshallah jikko yi dinañ gëna dafaru ta vraiment ñing lay ni gënëm di leen sante yeen ñi nga xamni mbokk yi joggé Lyon yépp ñen ñëw vraiment pour parce que xam xam mom nit ki ñëw joggé ay daf ay kilomètre ñëw di la jox xam xam loolu rek dafa rare parce que xam xam normalement talibé bi moko dem wara de wuti mais ku déplacer wu ñëw ba fi jox la xam xam bobu donc do def ludul sante ci yalla et que diko ñaanal te limay wone ni borom xam xam amna te diko teral tamit jaaduna te lu war la parce que bo xamni sakuna xam xam sonu ay ati at segam ki nga xamni jang na ba am thèseam ba tok ci télévision bi ñepp ni docteur gaay jox ko vraiment ab geud borom xam xam yi nga xamni tamit jang nañu jall def sen dundu gi yep di sako xam xam ñom tamit war nañ leen jox ak bobu di leen respecter di leen jox tamit li nga xamni ñoko yeyo te li ngay xamal moy li nga xamni yawmal khiyam dañ la koy daf lay jariñ lool la lay jariñ xam xamu diine mom day jariñ yawmal khiyam donk ta lolou mom duñu def luddul vraiment geureum la ci bu baax Mustapha Mboup di la ñaanal yalla yok xam xam bi yaatal deun bi te vraiment li mom dinañ ko duggal ci site internet bi te inshallah ñepp ñu bari dinañ ci barkelu inshallah dinañ ci profito ko defé xamna mom ko defé peut-être que amna ñu nga xamni amna ñu ay cadeau ñu ci yëkëti wala ay question yo xamni ñu ko ci laaj inshallah du mëna ñak te ku ko am tamit inshallah mën nga ko joxe sino bu ko défé rek après mën nañ jox suñu ayur serigne tong après mom mu sanni ci ay cadeau après daf ñaan ñu yewé ko di ñaan rek yalla mi nga xamni té lol la bu féké mom tombé nañu ci guddigi malaika yaangi nek fi taxaw alhamdullilah waaw fekke ñu ngi ci bis bi mom te yaakar nañu ni yalna nek te malaaka yaangi taxaw di bind donc yiw yoy yep yalna ko vraiment mu duggal ko ci base de données bo xamne du defectueux du yaqku inshallah donc waaw voilà base de données bo xamne mom yowul xiyamé rek ñu dindi ko rek inshallah mu jariñ ñu ñun ñep ko defé rek waaw fekke amna ay laaj mën ngeen yëkëti seen loxo ci lu aju ci li wala ci leneen waaw ku am tamit lu aju ci yeneen yi mbir vraiment bala ñu ñu tej bëggon na nga ñëw ci un peu même 2 minutes ci walu julli ci walu vraiment ki yeek yoyu heure yi nga xamni moy heure yi nga xamni mom nga ci wara julli vraiment comme niñ ko défé won Toulouse pour nit ñi vraiment profito ci walu julli bu ko défé après ñu clôturer lolu après jox vraiment bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma julli suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa yekiti dayam de telle sorte que bi nga xamantene mi ngi koy joxe dafa jël ki nga xamantene mom moko gënal ci lepp lu mu bind sallalahu alayhi wasallam yobbu ko ci place bo xamantene kenn musu fa dem moy place bi nga xamne mom mo gëna kawé mu yobbu ko jox ko li nga xamantene mom moy li aju ci walu julli bëgg gi mu ko bëgg nak taxna mu né chaque jour da ngeen ko def juromi yoon mu faratal ci ñun fukki rakka ak ñaar ba nopi ak jurom ñaar ba nopi ne képp ko xamantene fonk nga julli moy fonk nga diiné ci képp ko xamantene doyadul nga ko moy doyadul nga diiné ci suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko faratal ci ay waxtu inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli dafa nek lo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wutal ay waxtu yu leer yu bien déterminé légui nak dafa fekk ne waxtu yoyu comme ni mu ñëwé ci hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala bu mën na ko baña lim bi nek ci sunan tirmidhi mo nek ci juste ci début bi ñeneen solo nañ ko ni ci hadith abu bazzat al aslami radiyallahu anhu bi nek ci ñaari sahih hadith jibril bi ñuy wax mo nek ci début mu wata bu imam malik rahimahullah et cetera yoy nga xamantene moy bi jibril ñëwé jang maam julli ci benen jour bi mu ñëwaat julli et cetera ala kulli hal bari na ay hadith yo xamantene wax nañu ci horaireu julli ba déterminer ko clairement li nga xamantene mom lañu ci jëlé inshallah comme ni nga xamantene non lañ ko wax tout temps bu fekkenteene dañu nek ci mbolo mu nek ay laaj ak tontu a part bu fekkenteene ñun suñu daayira lañ ne bu de suñu daayira lañ ne mom boba buñu laajé ben question yu mel non dañuy wax ngiru imam malik mais dañuy wax yenen ngiri ba para indi seen ay dalil lool moy suñu daayira ñun parce que dañuy jang ben téré bu luhul maram voilà bon ñu ko def suñu site bi d'ailleurs ñu ko fay suivre bobu tamit dañuy ja voilà ñu jangat mu xawa yaatu ñu ko def inshallah légi kon ñun dañuy wax ngiru imam malik fa lañuy yam inshallah fur mu gatt té lèr manam julli tisbar ak julli takusan manam julli juromi dañu am ñaari façon yo mëna xamé nan lañ koy déterminer ci gattal ñaari façon première façon bi moy lo xamantene ci xol la manam ñepp mën nañ ko du suffi ke ngay gis di xam di mëna nat et cetera moy julli tisbar mi ngi tambalé bu jant bi commencé jeng moy zawalu shams moy bo démé ba jant bi bu juggé est day dem ouest bu démé ba ci digg bi digg ndjolo moy au zénith day commencé jeng bu commencé jeng lolu moy julli tisbar tambalina nek bu boba ning ko meuna xamé ci sa gistam moy bo taxawé jant bi juggé ni di ñew ni sa takandeer nga dem ba nga gis ni sa takandeer tourner na de manam au lieu mu fété fi légui fété na né commencé na fété né lolu moy tisbar jotna maintenant du moment bu koy def parce que jant bi c'est pas à chaque fois que lay jaar exactement suñu digg bop yi parfois day waw comme niñ koy waxé day xawma lan lañ koy waxé amna hein equinox xawma lañ koy waxé yakarna voilà moy voilà equinox hein voilà day jéki jé manam day am tout temps ben angle bu muy dévier ben angle lolu moy lu ci ëpp ci jamono yi lolu nak kon buy jadd da ngay gis ne comme bo té da nga tek bant wala yow da taxaw wala da ngay gis ne takandeer bi day commencer day jeng de ben angle day am ben manam day am ben distance dal bo xamantene bu nekké au zénith day am ben distance yow bo yoré légui distance bobu nak dang koy jël prendre en compte parce que dina la jarign so bëggé xam kagn la tisbar bi di jeex ak kagn la takusan bi di tambalé kagn la tisbar bi di jeex moy moment bi takusan di tambalé moy lan moy so démé ba nit ki takandéram tolo ak jëmum lool nak du nit kessé manam objet bo jël tek ko nga gis né takandér bi ak objet bi ñoo tolo té loolu mën nga ko xamé ci sa jëmou nit subhanahu wa ta'ala dafa bindé nit ñi de telle sorte que nit ku né sa taay mi ngi tolo 7 fois sa djégu sa pa yalla loolu bindé nit mo nit ku nek sa taay mi ngi tolo 7 fois sa pa bo téggé bénn taar nga tek benen bi ni tek benen bi ba muy 7 moy yow taay bi nga am kon cela veut dire que so taxawé nga xor sa takandé fimi yam nga konté ko nonou di nga mëna xam ana bax sa takandé tolo na ak sa tay légui nak bu boba dang ci yokku ban distance dang ci yokku distance voilà distance bi nga xamné ci le zénith bi doon tour doon am est-ce que bo fi ñu ngi comprendre parce que hein légi nañ bayyi bobu légui bayyi nañ bobu parce que bobu do voilà légui légui bo démé voilà légui nañ jël lu gëna concret légui buma taxawé man mo mesurer 1m73 par exemple 1m73 lay mesurer wa yakar nako bok wala legui suma taxawé mané jant bi au zénith ma gis né au zénith sama takandér mi ngi mesurer par exemple 10 cm sama takandér mi ngi mesurer 10 cm au zénith legui inclinaison amna jant bi legui commencé na dem sama takandér di yok legui man may mesurer 1m73 damay tek 1m73 bi ba paré yok ci 10 cm bu démé ba yegg fofu moy tisbar muxtar bi jeexna parce que borom xam xam yi rahmatullahi dañu xol ci texte yi hadith yi ni ñu ñëwé ñu xamné hadith yi ni ñu ñëwé moy waxtu bu nek dafa am ñaari waxtu moy dafa am waxtu muxtar moy yo xamné bo amul gante fang ko wara def mu am waxtu bo xamantene bo amé gante fang koy def comprendre légui kon bu boba muxtar moy bi nga xamné mom lañu mom nga wara def bo amul gante hein daruri bi moy bi nga xamné bo amé gante mom ngay def légui kon man mesure 1m73 plus 10 cm mu def 1m83 kon man il faut que ma dem ba gis sama takandér toll na ni 1m83 may do ma xamné ndekété fi le tisbar wara yam waxtu tisbar fi la yam su féké awuma gante moy muxtar bi est-ce que lolu lèr na légui buma jëlé bant tamit mën nako mesurer non moy damay jël bant samp ko xol au zénith hein ban distance la takandéru bant bi am après ma yok ci tayu bant bi takandér bu démé ba tolo non lolu moy hein tisbar jotna mën nako nat tamit ci photo mu xol ni photo bi nanga manam mën nako nat ci objet yépp légui suñu démé ba lolu moy fofu la muxtar fofu nak la muxtar takusan tamit tambalé ba jant bi gel moy bu démé ba xonku def ben disque bu xonku moy muxtaru takusan jeexna bu jant bi sowé daruri bu tisbar ak bu takusan yépp dinañ prolonger wu ba jant bi so complètement fofu nak le timis commencé timis moy bu jant bi sowé légui nak li nga xamantene par contre fofu ngir bi ay wax yu manam ñaari wax yu siiw dañ ci am té kenn ku ci nekk limuy netali day melni da fay wax ni lolu mo gëna siiw ba paré wax ni lolu gëna wër kon ñaar yoy dina la indi moy premier avis bi moy né timis mi ngi commencé so le fait le temps que par exemple bu jant bi sowé légui le temps que ngay préparé wu bu dé da nga wara sangu fara da nga wara japp après ñu noddu nga dem jakka ja ñu noddu après ñu liqam ñu taxaw julli manam durée bobu temps bobu donc ça fait 30 40 minutes maximum lolu ci la timis muxtaru timis yam amna nak ñu ne moy ba ci marie ba chafak lay def moy ba xonk xonk yi dañ complètement moy 1h30 après 1h30 après jant bi bu sowé kon ce qui fait que té fofu la tis la gué muxtaru gué di tambalé ba ci tiéru guddigi manam bo jëlé guddigi ça dit que du à partir du coucher du soleil jusqu'à l'aube dina la wax aube nan nga koy xamé wé ci calcul bi bu ñu yexé ci calcul moy dal bo démé ba bo taxawé à l'horizon da ngay gis à l'horizon da ngay gis voilà les voilà nuages bu wex bek bu ñuul bi ñu mëna distinguer wu lolu moy o bu jotna moy fajar jotna fofu tamit kon la daruri timis ak gé ñom ñaar fa lañuy jéxé ño bokk daruri ba fofa légui nak fofu la suba tambalé tamit suba waxtu suba fofu la tambalé ba mu commencé lèr manam ba nga xamné bo séné dang ko mëna xam né ké goor la wala jigen la moy bu commencé lèr moy beut sét li ñaan beut sét na légui nak à partir fofu la muxtaru hein fajar yam légui muxtaru fajar timis manam suba bi muxtaru suba bi mi ngi jéx manam daruri suba bi mi ngi jéxé ci bu jant bi joggé li moy niñ koy xamé ci xol légui nak mu dess nan lañ koy xamé wé ci han ci calcul lolu nak japp ko parce que lu am solo la parce que lu upp ci ñun suñu jamono surtout citadin lolu lañuy mëna xamé moy lan moy damay xol né damay dem fexé ba xam lever du soleil kagn la ak coucher du soleil kagn la yaangi deg wax lever du soleil kagn la coucher du soleil kagn la buma gisé ni lever du soleil par exemple je donne des heures précises pour ñu baña joom mais nga xamni calcul bi yépp non lay démé quel que soit les horaires lever du soleil ñu né 6 heures 0 minute lever du soleil coucher du soleil 19 heures 0 minute temps bobu yépp lool buma ko xamé lan la may jariñ moy damay mëna déterminer avec facilité avec toute tranquillité les heures de prière les horaires de prière avec tranquillité moy nan jappal bu ko faté 6h 19h dam koy xat ci digg bi 6:50 donc 6:50 lay am 6:50 ma yok ko ci 6h c'est-à-dire que damay def différence bi 19 moins 6 mu nek 13 mu diviser ko par 2 mu nek 6:50 6:50 ma yok ko ci 6:50 muy midi et demi non 6h30 bok la bëgg wa 6h30 voilà 6h30 ma yok ko ci 6h mu nek midi et demi buma ci téggé 5 minutes à peu près parce que le temps que zénith bi dépassé wu mën na commencé que ça veut dire que midi 35 tisbar jotna muxtar tisbar tambalé na mu jël 6h30 manam midi et demi ak 19h manam coucher du soleil bi ak fi daruri fi muxtar tisbar tambalé midi et demi ak 19h ma am ñaata heure 6h30 encore ma diviser wat ko par 2 ma am 3h15 3h15 la yok ci midi et demi bi 16h45 15h45 kon fofu la tisbar fofu la takusan muxtar bi fofu la tambalé légui mi ngi dem ba 10 minutes avant coucher du soleil 10 minutes avant coucher du soleil fofu la muxtar bi légui après 10 minutes yi ci dess ba coucher du soleil fala daruri bi jexé kon tisbar ak takusan donc ce qui veut dire que midi et demi manam midi 35 ba 19h 15h45. Waaw. Non, midi 45. Midi 35 la wax boy tisbar bi. Midi 35 la tambali. Ba 15h45. 15h45 la takusan tambalé. Légui nak daruri bi lay wax. Voilà. Ba 19h moy 10 manam ba 19h moy 10 ma ngi ci muxtaru lan takusan. Légui 19h ba manam ba 19h nak légui ma ngi ci daruri tisbar takusan. Lol leerna wala bu amé ci kumu leerul na wax ba 19h yang ci daruri takusan moy avant coucher soleil bi d'accord parce que 19h le coucher soleil bi dem d'accord mais muxtar takusan 3h45 lay commencer wa mais fa la jexé muxtar 19h moy 10 19h moy 10 optimist ñom muxtar mok tisbar bi ñoy bok daruri après d'accord wa une question wa est-ce que eux ni déterminer justement le lever du soleil coucher du soleil bu la baña correspond ak heure ñu julli justement fajar non wa ma ngi ci ñew fajar gi ma ngi ci ñew voilà parce que dana la wax ni ngay def ba xam sa fajar nu ban heure la d'ailleurs njariñ bu mak dina ci nek inshallah legui suma amé 19h kon da xamné 19h le coucher du soleil 19h le timis tambalé kune muxtaru timis manam kune muxtaru timis moy day tel moy temps bi mi jël rek moy temps bi manam liñ wax ha préparation beug le fait que ñu nodo après ñu jog julli kon bu boba day xamné fofu la manam lolu rek la muxtar timis am ba legui après bu boba après 1h demi après kune nak ba 1h demi après manam moy mahribu shafaqi bu xong xong ki dañe moy 1h demi après donc day jël 19h à jusqu'à 19h de manam donc 20h demi le gué muxtaru gué tambalé. On est d'accord, 20h demi le muxtaru gué tambalé. 20h demi bu muxtaru gué tambalé legui nan lay xamé daruri wu gué kagn lay tam kagn lay yam néna la won lana ci yaru guddi gi la fajar gi lay xol fajar gi c'est 2h demi avant lever du soleil. 6h la don jog 2h demi avant lan la 3h demi donc 3h demi motax temps yele ngay gis heure yi don nek heure yoy parce que 6h la jant bi dan jog ce qui fait que 3h demi environ lañ dan julli donc 3h demi la fajar gi tambalé légui damay jël 3h demi ak 19h ma xol ñaata heure la am ma diviser ko par 3 buma amé tiers bi ma yok ko ci 19h bi mu jox ma heure exact di daruri bam bi muxtaru yeyam d'accord confrère ha wala leru 8h30 8h30 ngay diviser par 3 ça fait voilà ah parce que hein voilà en tout cas voilà en tout cas légui jusqu'à 2h30 avant fajar avant lever du soleil fofu la daruri geyam fofu la sama fajar tambalé fajar gi nak bu tambalé fofu par contre ba wex bi ñepp mën nañ ko xamé manam dem nañ ba légui bu mësséné goor da nga xamni ké goor la mësséné jigen xamni ké jigen la lolu mën na ko xamé légui lolu moy heure légi nak mu dess ana man nan la koy julé su fekkenté né dama nek ci tartar manam moy lan moy julli de toute façon lolou am solo la moy ñu bay xel inshallah moy alcorane dafa wax ben affaire bu am solo moy hafizu ala salawati wassalatu wassalatu wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukban bu fekk mu né ngeen samonté julli mu né rawati na julli guddou guddou mu moy takusan da ngeen taxaw temti jaamu borom subhanahu wa ta'ala mu né ndax la mune waye fo xiftum so la nekké en situation d'insécurité farijalan na ngeen di daw di dox di julli aw rukbanan wala ngeen war di julli dafa am luñ wax manam moy musayefa moy salat musayefa moy so julli motax c'est à dire que c'est comme situation de guerre lañ la mayul nga baña julli nga xamantene da ngay dem bay xex ak non bi sax ngeen di doranté comme munulo taxaw yalla day téggi lool manam muno taxaw nan allah akbar di seug ko sigge ak yoy di tari taxaw yalla legui teggina lol ne la nak legui li nga man def ko moy lan moy ngay xalat di julli di wax diko def kok nga defene ay dama don liggey ak dama newon dam cour yoy dina tax ñu teggil la julli lol du tax ñu teggil la julli legui donc de ce fait dafa am benen affaire bu sharia indi ñu mën ko wefal insha allah taala abi bu deugar la damay joxe nak damay wax nak ne abi bobu nekul bi geuna manam bi geuna siw parce que bu roxo xam li epp ci ñom même ci suñu ngir manam ngir imam mal rahmatullah alayhi manam degeeruluñu torop abi bobu donte rabi'a ibnu abi abdurrahman nga xamne serigne imam malik bimu amé 9 ans ndeysan la yaayam jox ko yere bu rafet mak bassin bu rafet solol ko ben copati niko demal ci rabi'a nga jël ci mom tegginam avant ngay jël ci mom xam xamam rahmatullah wa mu ñew mom mo yar imam malik ni rigueur bi mu andal ak yoy yeb ci rabi'a lako jele tasawuf bi mu andalon manam selte gi mu andalon ci rabi'a lako jele rahmalullah motax bu waxe ahlul ilm bi baladina borom xam xam yi suñu rew suñu dekk ñaari nit la ci djublu rabi'a ibn abi abdurrahman bob ak ibn hurmus rahmatullah alayhima legi mu ne kon rabi'a bobu abi bi may nara wax manam solution bobu la joxe ibn wahb abdullah ibn wahb rahmalullah al misri man ci ponkalu borom xam xam imam malik ñi gëna ngiru imam malik ñi nga xamantene ñom solo nañu muwatta imam malik rahimahullah te sen muwatta bok ci wi gëna deug moy muwatta ibnu wahb bobu rahimahullah nga xamantene mom avion mok ben la manam ñom tam d'accord nak muhammad ibnu sirin koku kuko degul manam kuko xamulit deg nga ko wa nga gis au moins que moy mom mo bind ci mo don firikatu gent bu siw bobu rahmalallah ci tabi'i d'ailleurs ci tere fiqi fo ci dege muhammad neena xamane muhammad ibn sirin lañuy wax fo ci dege hasan neena hasan al basri lañuy wax fo ci dege ibrahim neena ibrahim ibn zayd an nakhai lañuy wax rahmalallah manam tere fiqi kon koku moy muhammad ibn sirin c'est quelque parce que de telle sorte que tere fiqi bu ñew muhammad neena koku lañ ci djublu ak muhammad ni ñu bari ci xéer bi lol moy kon koku du ko ndaw rahmalallah leg kon mom tamit avis bi ma lay wax mom la wax al-qaffar ash-shashi rahmalallah tokhal nako jele ko ci mbolo ci borom xam xamu hadith nenañ ñom tamit wax ji may wax inshallah mom lañ wax wax la jo xamantene ciosanu wax ji mi ngi ci sahih muslim abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumah dafa don khutba di wax manam jek mam di waxtan timis jot bidiw yi commencé feñ sax am ko nan ko julli jot comme ni gaay di def rek julli jot na legi muneko way hak atu allamani sunna est ce que man ngay xamal sunna wala man ngay ci ben roi atu allamani salat est ce que man ngay jangal julli munete wallahi deglu wallahi jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam dajale na tisbar ak takusan timis ak ge te tawul tukki wul te situation de sécurité amul mu dajale timis ñu laaj ko lan la ci djublu mu ne ngir woyofal mbiru xet bi muaz ibn jabal mu ne legi abdullah ibn shaqiq bi solo hadith bi rahimahullah tabi mu mag bobu neena ma deg wax ji affaire bi dal ma am ci dud dal andak ibn abbas radhiyallahu anhu andak moy koku moy ponkal bobu mais wax ji xawalunti ci man ma dem ma laaj ko dedet abu hurayra ne wax na deug ibn abbas wax na deug manam kon situation de sécurité amul tax mu bolé ragal amul ki tawul ba tax muy bolé tukki wul tamit bir medina la won amna ci borox xam ñu ne febara taxon mais wax joju dañ koy dello manam motax benen bolo ci borox xam ne dedet febar taxul parce que su febar taxon kon mom rek moy bolo ñi ci def mu ne leen julli leen seen julli ngeen baña bolé ci heure ñi ci def ne c'est parce que dafa nison de telle sorte que dedet jant bi gisunu ko won donc ñuy xaar est ce que tisbar jot na ñu ciy douté après ñu jek gis ne nek tisbar da mok takusan jégué won ñu jullé ndoko yenen borox xoxo bi leen dédé du lolu parce que su doon lolu la kon buñ amé dut ci né ci bëcëg gi mais guddi gi mom jant du fi né manam lepp luy dut buñ fi mëna lepp luy ta'wil manam interprétation buñ fi mëna indi ba tax ñu wax lolu dakk nañ ko ba mu dess li ibnu abbas wa rahmalahu radiyallahu anhu ibnu abbas dani Allah yahruja ummata ngir mu baña indil khat ci xetam bi manam ngir mu jangal len li parfois mën na nek motax amna len ci molo massa boroxoxom shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañ ni leg mën lolu mën nga ko def bu fekenteene defo ko yoonu tol manam do def tamit sa luñ ne joxor njaay rek nga dadi bolé say julli dedet moy su fekenteene xam nga ni munuma julli ni ci muxtar bi munuma julli ni ci daruri bi en aucun cas de toute façon parce que tamit il faut que ma dundu aussi c'est à dire que munuma manam dama nek ci contrainte bo xamanteni munuma len bolé en aucun cas ñu ne la wa d'accord nañ ne outal solution moy lan moy gis nga heure tisbar rek heure takusan bi xam nga ño bok daruri légi digënté zénith bi ba jant bi di sox out ci ben moment bo bolé tisbar rek takusan bi mo xam ci heure tisbar bi layna wala ci heure takusan bi digënté timis bi mi joxé couche du soleil ba fajar di jot c'est à dire que 2h30 avant lan avant lever du soleil bi out ci ben moment boy bolé timis bek geebi mo xam ci heureu timis bi la wala ci heureu geebi mais en aucun cas duñ la bayyi nga bayyi durée bobu yépp jall te defo ci dara koku mom sharia du ko maye wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad jazakum la khairan lerno xamna inshallah dinañ ko gëna diffuser ci ñi ko xam ñi nga xam ni lerul ci ñom ñu ko defé ñu yawi mbolo mi rek comme dafa xawa guddii ñu jox nu wayjur.